Je croyais pouvoir t'aimer jusqu'à la nuit des temps. Je croyais que notre amour pourrait durer longtemps. Je me rappelle encore le jour où je t'ai connu. Mon amour était mort et puis tu es venu. J'avais besoin d'amour et tu as su m'aimer. Au bout de quelques jours revenaient les regrets. Mais toi, tu étais là déjà comme installé. T'avais besoin de moi, t'avais pas de regrets. Un peu plus chaque jour, je maudissais mon cœur qui te parlait d'amour pour consoler tes pleurs. Je croyais pouvoir t'aimer jusqu'à la nuit des temps. Je croyais que notre amour allait durer longtemps. Mais je sais qu'aujourd'hui je n'ai au fond de moi que chagrin et ennui dès que je t'aperçois. Quand ton regard au mien sournoisement s'accroche, il y a moins de chagrin qu'il n'y a de reproche. Et ne reste pas là, là, me regarder. Il n'y a pas que moi que tu aies pu aimer. Ne me reproche pas nos anciennes folies. Quand je pars, ne dis pas que j'emmène ta vie. Tu croyais pouvoir m'aimer jusqu'à ton dernier jour. Tu croyais que ton chagrin allait durer toujours. Mais je sais que demain notre amour viendra. Il te prendra la main et il t'emmènera. Alors tu oublieras tous nos chers souvenirs qui te parlaient de moi et de notre avenir. Tu reverras le printemps, tu reverras tes 20 ans. À nouveau les serments et passera le temps. Et tu diras un jour en lui montrant la porte à ton dernier amour que le diable t'emporte, que le diable t'emporte, que le diable t'emporte, que le diable t'emporte.